j'reste comme je suis. Tu peux m'enfoncer dans la galère, je changerai pas. Pas envie de te ressembler, ça me mettra encore plus dans la merde. Les histoires de merde finies en embrouille, pas à 10, mais comme une assemblée nationale. Je viens te lâcher ma rage, la flamme qui va allumer mon pétard. Les poteaux qui vont te mettre à quatre pattes et qui te font la signature aux pourritures. Je viens te faire goûter mes 20 points de suture. On vit comme un poil dans la soupure. On est des galouches comme un cacheton. Mets-nous dans l'eau comme des tempêtes. On débarque milliers en milliers. Tu pourras pas nous oublier. Les années passées, on les a fracassées pour tout zapper. Je reste comme je suis, malgré mes souffrances. Mon apparence peut être trompeuse. Les mains dans la merde pour moi, ça m'a donné une bonne expérience. Les personnes qui parlent de moi tous les jours, je montre que j'ai de l'assurance. La poursuite de la réussite de la vie, ou fermer les histoires. Faire la paix pour moi, c'est une course poursuite, poursuite. Une bouteille de vodka, mon psychologue. Je lui raconte mes galères dans la picole. Mes délits de fuite quand j'étais à l'école. Les délits de survie quand j'étais en dehors. Les personnes qui m'aiment pas, qui me suivent à la chaîne. La différence, y'en a pas, écoutez les pas. Les discours de l'État, ça me dérange. Plein de maligances, ils veulent nous faire passer tous pour des délinquants. J'ai remarqué depuis mon long parcours que les rues ont changé, sauf les mauvais discours qui leur issuent. La cible des personnes qui se défilent, la vie de chacun un fil. Dans ma vie, je joue à l'équilibre. Dans ma vie solo, je suis en chute libre. Je reste comme je suis, malgré mes souffrances. Mon apparence peut être trompeuse. Les mains dans la merde pour moi, ça m'a donné une bonne expérience. Les personnes qui parlent de moi tous les jours, je montre que j'ai de l'assurance. La poursuite de la réussite de la vie, ou fermer les histoires. Faire la paix pour moi, c'est une course poursuite, poursuite. Chacun sa vie, chacun son mode d'emploi. Chacun dit que sa vie, chacun fait ses lois. Chacun fait ses choix, chacun peut traîner sur le pare-brise si on a le droit. Pour ma part, je n'ai pas vraiment eu le choix. Entre les potes ou l'école ou boire de l'alcool. Non, je rigole pas, poteau. Achète un décodeur, ma vie déconne. Les jaloux, je les sniff à cause de l'odeur. Qui leur a perdu 59. Énervé comme un bruit de moteur. Demande un puceau comment il se sent quand il se fait gris en train d'éjaculer. Va dire au ministre de l'Intérieur que je le vole par l'extérieur. Une bouteille de vodka pour faire mon bonheur. Pour Dioro, je peux passer pour un voleur. Pour une capote, je peux passer pour un violeur. Je reste comme je suis, malgré mes souffrances. Mon apparence peut être trompeuse. Les mains dans la merde pour moi, ça m'a donné une bonne expérience. Les personnes qui parlent de moi tous les jours, je montre que j'ai de l'assurance. La poursuite de la réussite de la vie, ou fermer les histoires. Faire la paix pour moi, c'est une course poursuite, poursuite. Killer dans mon 59, le seul unique.